Chapitre 16e. Mira disparut. Lorsque ce cri retentit dans l'hôtel, il sembla qu'on n'en comprit pas d'abord la signification. Disparu, cela n'avait pas de sens, c'était invraisemblable. Une demi-heure plus tôt, Madame Rodrigue et Marc étaient encore dans la chambre où Mira reposait sur son lit, déjà revêtue de son costume de voyage, calme, la respiration régulière à faire croire qu'elle dormait. Un peu auparavant, elle avait pris quelque nourriture de la main de Marc, qui était ensuite descendu pour le dîner. Leur pas achevé, le docteur et mon frère étaient remontés afin de la transporter dans la berline. C'est alors que se produit le coup de théâtre. Il ne la voit plus sur son lit. La chambre est vide. « Mira !» s'écrie Marc en se précipitant vers la fenêtre dont il saisit la poignée. Mais la fenêtre résiste, elle est close. L'enlèvement, si enlèvement il y a, n'a pas été fait par cette voix. Madame Rodrigue accourt, puis le capitaine Aralan et des appels sont jetés à travers l'hôtel. « Mira ! Mira !» Qu'elle ne réponde pas, cela se comprend. Et ce n'est pas une réponse qu'on attend d'elle. Mais qu'elle ne soit plus dans sa chambre, comment l'expliquer ? Est-il possible qu'elle ait quitté son lit, traversé la chambre de sa mère, descendu l'escalier sans avoir été aperçue ? Je m'occupais à disposer les menus bagages dans la berline lorsque j'entendis tout à coup des cris. Je remontai au premier étage. Le docteur et mon frère, qui répétaient d'une voix brisée le nom de sa femme, allaient et venaient comme des fous. « Mira ? » demandai-je. « Que veux-tu dire, Marc ?» Le docteur eut à peine la force de me répondre. « Ma fille, disparue !» Il fallut déposer sur son lit Madame Rodrigue, qui avait perdu connaissance. Le capitaine Aralan, la figure convulsée, les yeux hagards, vint à moi et me dit « Lui, lui, toujours !» Cependant, j'essayais de réfléchir. L'opinion du capitaine Aralan était difficilement soutenable. Il n'était pas admissible que Wilhelm Störitz eût réussi à s'introduire dans l'hôtel, malgré les précautions prises. Évidemment, il était à la rigueur concevable qu'il eût profité du désordre inévitable que cause un départ. Mais il aurait fallu pour cela qu'il se tînt à l'affût en guettant le moment propice, et qu'il opérât avec une rapidité prodigieuse. D'ailleurs, même en acceptant toutes ces hypothèses, un enlèvement demeurait inexplicable. Je n'avais pas en effet quitté la porte de la galerie devant laquelle stationnait la berline. Comment Mira aurait-elle pu franchir cette porte pour gagner celle du jardin sans être vue de moi ? Wilhelm Störitz invisible, soit, mais elle. Je redescendis dans la galerie et j'appelai le domestique. La porte du jardin donnant sur le boulevard Tekeli fut fermée à double tour et j'en retirai la clé. Puis la maison tout entière, les combles, les caves, les annexes, la tour jusqu'à la terrasse, je la parcourus en ne laissant pas un coin inexploré. Après la maison, ce fut le jardin, je ne trouvai personne. Je revins près de Marc. Mon pauvre frère pleurait à chaudes larmes, il éclatait en sanglots. Prévenir le chef de la police était la première chose à faire, à mon avis. « Je cours à la maison de ville, venez avec moi, » dis-je au capitaine Aralan. La berline attendait toujours. Nous y prîmes place. Dès que la grande porte nous eut livré passage, la voiture partit au galop de son attelage et en quelques minutes arriva sur la place Kourst. M. Stepark était encore dans son cabinet. Je le mis au courant. Cet homme, habitué à ne s'étonner de rien, ne put dissimuler sa stupéfaction. « Mademoiselle Rodrigue disparue ?» s'écria-t-il. « Oui, » répondis-je, « cela paraît impossible et cela est. Enfuite ou enlevée, elle n'est plus là. » « Il y a du Störitz là-dessous, » murmura M. Stepark. L'opinion du chef de police était la même que celle d'Aralan. Après un instant de silence, il ajouta « C'est sans doute le coup de maître dont il parlait à son âme damnée. » M. Stepark avait raison. « Oui, Wilhelm Störitz nous avait prévenus en quelque sorte du mal qu'il se proposait de nous faire. » Et nous, insensés, nous n'avions pris aucune mesure pour nous défendre. « Messieurs, » dit M. Stepark, « voulez-vous m'accompagner à l'hôtel ?»« À l'instant, » répondis-je. « Je vous suis, messieurs. Le temps de donner quelques ordres. » M. Stepark fit appeler un brigadier et lui commanda de diriger sur l'hôtel Rodrigue une escouade de police, qui devrait y demeurer en surveillance toute la nuit. Il eut ensuite, avec le sous-directeur de la police, un long conciliabule à voix basse, puis la berline nous ramena tous trois chez le docteur. L'hôtel fut en vain visité une seconde fois, mais une observation fut faite par M. Stepark dès son entrée dans la chambre de Mira. « Monsieur Vidal, me dit-il, ne sentez-vous pas une odeur particulière et qui a déjà affecté notre odorat quelque part ?» En effet, il restait dans l'air comme une vague senteur. Le souvenir me revint, je m'écriai. « L'odeur de cette liqueur contenue dans la fiole qui s'est brisée, monsieur Stepark, au moment où vous alliez la prendre dans le laboratoire de Storitz. » « C'est cela, monsieur Vidal, et ce fait autorise bien des hypothèses. Si cette liqueur est, comme je le suppose, celle qui produit l'invisibilité, peut-être Wilhelm Storitz en a-t-il fait absorber à mademoiselle Rodrich et l'a-t-il emporté aussi invisible que lui-même ?» Nous étions atterrés. Oui, les choses avaient dû se passer ainsi. Il me paraissait certain maintenant que Wilhelm Storitz était dans son laboratoire pendant la perquisition et qu'il avait brisé cette fiole dont la liqueur s'était si vite évaporée plutôt que de la laisser tomber entre nos mains. Oui, c'était bien cette odeur si caractéristique dont nous retrouvions ici la trace. Oui, Wilhelm Storitz, à la faveur des allées venues nécessitées par le départ, était entré dans cette chambre et il avait enlevé Mira Rodrich. Quelle nuit, moi près de mon frère, le docteur près de Madame Rodrich, avec quelle impatience nous attendions le jour. Le jour ? Et à quoi nous servirait qu'il fît jour ? La lumière existait-elle pour Wilhelm Storitz ? Ne savait-il pas s'entourer d'une nuit impénétrable ? M. Stepark ne nous quitta qu'à l'aube pour se rendre à la résidence. Avant de partir, il me prit à part et me tint ce discours inexplicable, inexplicable surtout en de telles circonstances. « Un seul mot, monsieur Vidal, me dit-il, ne perdez pas courage, car ou je me trompe fort ou vous touchez à la fin de vos peines. » Je ne répondis pas à ces paroles encourageantes qui me parurent dénuées de sens, et je me contentai de regarder le chef de police d'un air stupide. Avais-je entendu seulement ? J'étais complètement désemparé, à bout de force et d'énergie, et il n'y avait rien à tirer de moi en ce moment. Vers 8 heures, le gouverneur vint assurer au docteur que tout serait frais dans le but de retrouver sa fille. M. Rodrich et moi eûmes un sourire d'amère incrédulité. Que pouvait le gouverneur en vérité ? Cependant, dès les premières heures de la matinée, la nouvelle de l'enlèvement avait couru les divers quartiers de Rags et l'effet qu'elle produisit, je renonce à le dépeindre. Avant 9 heures, le lieutenant Armgard se présenta à l'hôtel et se mit à la disposition de son camarade. « Pourquoi faire, grand Dieu ? Il est à croire que le capitaine Aralan n'estima pas comme moi inutile cette offre amicale, car il remercia brièvement son camarade. Puis, se coiffant de son colbac, bouclant le ceinturon de son sabre, il ajouta cet unique mot « Viens ». Pendant que les deux officiers se dirigeaient vers la porte, je fus pris d'un irrésistible désir de les suivre. Je proposai à Marc de nous accompagner. Me comprit-il ? Je ne sais. En tout cas, il ne me fit aucune réponse. Quand je sortis, les deux officiers étaient déjà sur le quai. Les rares passants regardaient l'hôtel avec un effroi mêlé d'horreur. N'était-ce pas de là que s'échappait cette tempête d'épouvante qui bouleversait la ville ? Lorsque je rejoignis le lieutenant Armgard et le capitaine Aralan, ce dernier me regarda, mais on ne m'aurait pas étonné en m'affirmant qu'il ne s'était pas aperçu de ma présence. « Vous venez avec nous, monsieur Vidal ?» me demanda le lieutenant Armgard. « Oui, vous allez... » Le lieutenant répondit par un geste d'ignorance. « Où on allait ?»« Au hasard, sans doute. Et le hasard n'était-il pas en effet le plus sûr guide que nous puissions suivre ?» Au bout de quelques pas, le capitaine Aralan, s'arrêtant brusquement, demanda d'une voix brève « Quelle heure est-il » « 9h15 », répondit son ami après avoir consulté sa montre. Nous nous remîmes en route. Nous marchions d'un pas incertain sans échanger une parole. Après avoir traversé la place Magyar et remonté la rue du Prince Miloche, nous fîmes le tour de la place Saint-Michel sous ses arcades. Parfois, le capitaine Aralan s'arrêtait comme si ses pieds eussent été cloués au sol, et de nouveau il demandait l'heure. 9h25, 9h30, 10h20, répondit successivement son camarade. sitôt le renseignement obtenu, le capitaine reprenait sa marche indécise. Tournant à gauche, nous passâmes derrière le chevet de la cathédrale. Après une courte hésitation, le capitaine Harlan s'engagea dans la rue Billard. Il était comme mort, ce quartier aristocratique de Rags. À peine quelques passants hâtifs, la plupart des hôtels fenêtres closes, ainsi qu'en un jour de deuil public. À l'extrémité de la rue, le boulevard Tekeli nous apparut dans toute son étendue. Il était désert, ou plutôt déserté. On le fuyait depuis l'incendie de la maison Storitz. Quelle direction allait choisir le capitaine Harlan ? Vers le haut de la ville, du côté du château, ou vers le quai Batiani, du côté du Danube ? Une fois de plus, il s'était arrêté comme incertain du parti qu'il devait prendre. La question habituelle tomba de ses lèvres. « Quelle heure est-il, Armgard ?»« 10h-10 », répondit le lieutenant. « C'est l'heure », prononça Harlan, qui remonta le boulevard d'un pas rapide. Nous passâmes devant la grille de la maison Storitz. Le capitaine n'eut pas un regard pour elle. Du même train, il contourna la propriété et ne fit halte que parvenu au chemin de ronde, dont le jardin était séparé par un mur de 2,50 m environ. « Aidez-moi » dit-il en montrant de la main le sommet du mur. Ce mot valait toutes les explications du monde. Je compris le but du malheureux frère de Mira. 10 heures, n'était-ce pas l'heure fixée par Storitz lui-même, lors de la conversation que M. Stepark et moi nous avions entendue l'avant-veille? N'en avais-je pas instruit le capitaine Harlan? Oui, en ce moment, le monstre était là, derrière ce mur, en train de découvrir l'orifice de la cachette qui recelait la réserve de ces substances inconnues dont il faisait un si malfaisant usage. Réussirions-nous à le surprendre pendant qu'il s'activerait à ce travail? En vérité, ce n'était guère probable. Mais n'importe, il y avait là une occasion unique qu'il ne fallait aucun prix laisser échapper. Nous aidant les uns les autres, nous eûmes franchi le mur en quelques minutes et nous retombâmes de l'autre côté dans une allée étroite bordée de massifs touffus. Ni Storitz ni personne n'avait pu nous apercevoir. « Restez là !» commanda le capitaine Harlan, qui, longeant le mur de clôture dans la direction de la maison, disparut bientôt à nos regards. Un instant, nous demeurâmes immobiles, puis, cédant à un irrésistible instinct de curiosité, nous nous mîmes en marche à notre tour. À travers le massif dont le feuillage épais nous dérobait à tous les yeux, passant en nous courbant sous les branches inférieures, étouffant le bruit de nos pas, nous commençâmes à nous rapprocher, nous aussi, de la maison. Elle nous apparut quand nous fûmes parvenus à la lisière du massif. Un espace découvert, large d'une 20aine de mètres, nous en séparait. Aplatis contre le sol, retenant notre respiration, nous regardâmes avidement. Il ne restait plus que des pans de murailles noircis par les flammes, au pied desquels gisaient des pierres, des morceaux de charpente carbonisée, des ferrures tordues, des tas de cendres, des débris de mobilier. Nous contemplions cet amoncellement de choses détruites. Ah, que n'avait-on brûlé cet Allemand maudit, comme on avait brûlé sa maison, et avec lui le secret de l'effroyable invention. Le lieutenant et moi, nous fîmes des yeux le tour de l'espace découvert et soudain nous tressaillîmes violemment. À moins de 30 pas de nous, nous venions d'apercevoir le capitaine Harlan aux aguets comme nous-mêmes à la lisière du taillis. À l'endroit où notre compagnon s'était arrêté, le massif se rapprochait par une courbe harmonieuse de l'angle de la maison dont seule une allée large de 6 mètres environ le séparait. C'est vers cet angle, le plus proche de lui, que le capitaine Harlan tenait les yeux fixés. Il ne faisait pas un mouvement. Replié sur lui-même, les muscles tendus, prêt à bondir, il ressemblait à un fauve à l'affût. Nous suivîmes la direction de ses regards et nous comprîmes aussitôt ce qui les attirait. Un singulier phénomène se passait là en effet. Bien qu'on ne vît personne, les décombres étaient animés de mouvements étranges. Lentement, prudemment, comme si les travailleurs eussent voulu éviter d'attirer l'attention, les pierres, les ferrures, les 1000 débris divers amoncelés en ce point étaient déplacés, repoussés, mis en tas. Étreints d'une mystérieuse épouvante, nous regardions, les yeux exorbités. La vérité nous éblouissait. Wilhelm Storitz était là. Si les ouvriers étaient invisibles, leur ouvrage ne l'était pas. tout à coup un cri retentit, poussé par une voix furieuse. De notre place, nous voyions le capitaine Harlan s'élancer et franchir l'allée d'un seul bond. Il retombe au bord des ruines et semble se heurter à un obstacle invisible. Il avance, il recule, ouvre les bras, il les referme, il se courbe et se redresse comme un lutteur combattant corps à corps. « À moi !» crie le capitaine Harlan. « Je le tiens !» Le lieutenant Armgard et moi, nous nous précipitons vers lui. « Je le tiens, le misérable, je le tiens » répète-t-il. « À moi, Vidal, à moi, Armgard !» Soudain, je me sens repoussé par un bras que je ne vois pas, tandis qu'une bruyante respiration m'arrive en pleine figure. « Oui, c'est bien une lutte corps à corps. Il est là, l'être invisible, Wilhelm Storitz ou tout autre. Qui que ce soit, nos mains l'ont saisi. Nous ne le lâcherons plus et nous saurons le contraindre à dire où est Mira. » Ainsi donc, comme l'a déjà constaté M. Stepak, s'il a le pouvoir de détruire sa visibilité, du moins sa matérialité subsiste. Ce n'est pas un fantôme, c'est un corps dont nous essayons, au prix de quels efforts, de paralyser les mouvements. Nous y parvenons enfin. Je tiens par un bras notre invisible adversaire. Le lieutenant Armgard le tient par l'autre. Où est Mira ? Où est Mira ? Interroge d'une voix fiévreuse le capitaine Harlan. Aucune réponse. Le misérable lutte et cherche à se dégager. Nous avons affaire à un être très vigoureux qui se débat violemment pour nous échapper. S'il y réussit, il s'élancera à travers le jardin ou les ruines. Il gagnera le boulevard et on devra renoncer à l'espoir de jamais le reprendre. « Diras-tu où est Mira ?» répète le capitaine Harlan au comble de la fureur. Enfin, ces mots se font entendre. « Jamais, jamais !» Autant que peut nous permettre de l'affirmer le timbre de cette voix haletante, c'est bien Wilhelm Storitz. Cette lutte ne peut durer. Nous sommes trois contre un, et si robuste que soit notre adversaire, il ne saurait nous résister longtemps. À cet instant, le lieutenant Armgard est repoussé et tombe sur la pelouse. Presque aussitôt, je me sens saisi par la jambe. Je suis littéralement culbuté et contraint de lâcher le bras que je tenais. Le capitaine Harlan est violemment frappé en plein visage. Il chancelle et bat l'air de ses mains étendues. « Il m'échappe ! Il m'échappe !» rugit-il plutôt qu'il ne crie. À l'improviste, Hermann, sans doute, est venu au secours de son maître. Je me relève, tandis que le lieutenant, aux trois quarts évanoui, reste étendu sur le sol, et je cours prêter main forte au capitaine. Tout est inutile. Nous n'étreignons plus que le vide. Wilhelm Storitz s'est enfui. Mais alors, voici qu'à la lisière des massifs, des hommes apparaissent. D'autres entrent par la grille, d'autres franchissent les murs, d'autres sortent des ruines de la maison. Il en surgit de tous côtés, de partout. Ils sont des centaines. Ils se tiennent, coude à coude, sur trois rangs. Le premier rang portant l'uniforme de la police de Rags, les deux derniers, l'uniforme de l'infanterie des confins militaires. En un instant, ils forment un vaste cercle qui se rétrécit par degrés. Je comprends les paroles optimistes de M. Stepark. Instruit des projets de Storitz par Storitz lui-même, il a pris ses mesures en conséquence et avec une virtuosité dont je suis émerveillé. De ces hommes, au nombre de plusieurs centaines, nous n'avons pas vu un seul en pénétrant dans le jardin. Le cercle dont nous semblons former le centre se resserre. Non, Storitz n'échappera pas, il est pris. Il le comprend bien, le misérable, car tout près de nous, une exclamation de rage retentit. Puis, au moment même où le lieutenant Armgard, qui commence à revenir à lui, essaie de se relever, son sabre est brusquement tiré hors du fourreau. Une main invisible le brandit. Cette main, c'est celle de Wilhelm Storitz. La colère l'emporte. Puisqu'il ne peut fuir, il se vengera du moins. Il tuera le capitaine Harlan. À l'exemple de son ennemi, celui-ci a mis sabre au clair. Tous deux sont face à face comme dans un duel, l'un qu'on voit, l'autre qu'on ne voit pas. Les deux sabres sont engagés, l'un tenu par une main invisible, l'autre tenu par une main qu'on ne peut voir. Trop rapide est cet étrange combat pour que nous puissions intervenir. Il est évident que Wilhelm Storitz connaît le maniement du sabre. Quant au capitaine Harlan, il attaque sans essayer de se défendre. Par un coup de manchette rapidement riposté, il est atteint à l'épaule. Mais son arme a foncé en avant, un cri de douleur retentit, les herbes de la pelouse s'inclinent. Ce n'est pas le vent qui les courbe. ainsi que nous allons bientôt en être sûrs, c'est le poids d'un corps humain, le poids du corps de Wilhelm Störitz, transpercé d'outre en outre en pleine poitrine. Un flot de sang a jailli, et en même temps que la vit sortir, voici que ce corps invisible reprend peu à peu sa forme matérielle. Voici qu'il reparaît dans les suprêmes convulsions de la mort. Le capitaine Aralan s'est jeté sur Wilhelm Störitz, il lui crie « Mira, où est Mira ?» Mais il n'y a plus là qu'un cadavre, la figure convulsée, les yeux ouverts, le regard encore menaçant, le cadavre visible de l'étrange personnage qui fut Wilhelm Störitz.